Eli Kadogo assure la mise en onde. Il est 18h à Bujumbura et à Gitega. Il est 16h en temps universel. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition, la dernière de ce 16 février. En voici les grandes articulations. Désignation ce dimanche en congrès extraordinaire du député Agathon Rwasa, président du parti CNL, pour la course au fauteuil présidentiel. Passation ce dimanche du test de recrutement au ministère de la Santé. C'est dans le souci de la transparence. Sur près de 4000 candidats, seuls 201 seront retenus. Des précisions du ministre burundais de la Santé publique. Le sanctuaire des tambours de la colline Higiro en commune Gitega n'est plus visité suite à l'écroulement du pont reliant cette colline à la ville de Gitega. On aura des précisions de notre confrère Gérard Nibigira. Dans cette édition, vous aurez également la chronique Nutrition. Rebonsoir et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page politique pour débuter cette édition. Le député Agathon Rwasa, en même temps premier vice-président de l'Assemblée nationale, a été désigné candidat du parti CNL ce dimanche au présidentiel de mai prochain par le congrès extraordinaire de ce parti. Dans son discours, le patron du parti CNL a indiqué que sa désignation est un témoignage que son parti se prépare pour participer aux élections. Suivez-le dans la traduction française de Charles Makote. Kuri uyu munsi ugira 16 ukwezi kwa ruhuma umwaka w'ibihumbi 2022 en ce 16e jour du mois de février l'an 2020, le parti CNL vient de marquer à notre époque envie de montrer aux Burundais et à la communauté internationale sa ferme détermination de participer aux élections pour qu'il puisse doter du Burundi de dirigeants capables de changer les choses, envie de redorer l'image du Burundi dans le concert des nations. Je profite de cette occasion pour remercier ceux qui ont répondu à ce congrès, qui m'ont choisi parmi les autres pour que je représente le parti CNL dans les élections présidentielles. Même si la compétition électorale n'a pas vocation d'en découdre, il s'est déjà avéré que dans notre pays, ce n'est pas toujours le cas. Quand les dirigeants confondent la démocratie aux victoires des élections uniquement, cela fait que le pays soit mal dirigé et caractérisé par des tensions, ici des injustices, l'usage de la force, la mauvaise gouvernance et le favoritisme. Après ce congrès extraordinaire de notre parti, nous allons officiellement entrer dans la compétition électorale. Nous allons annoncer à tout Burundais les projets qu'on espère pouvoir relever notre pays. Notre pays a besoin de la conjugaison des efforts dans l'unité et l'amour pour qu'il soit basé sur la paix qui conduit au développement durable et inclusif. Toujours en page politique, les représentants des jeunes de la commune Rugombo indiquent que le chômage, la consommation des drogues, les conflits fonciers, les grossesses non désirées et la sorcellerie sont des défis pouvant provoquer la déstabilisation de la sécurité dans cette période préélectorale. Ceci ressort d'une réunion de vendredi en commune Rugombo organisée par le réseau des jeunes en action Réja. Le conseiller communal chargé des questions administratives et sociales demande aux responsables des confessions religieuses et aux administratifs à la base de sensibiliser les jeunes afin qu'ils tournent le dos à toute action pouvant déstabiliser la paix et la sécurité. Une information que nous devons à notre correspondant en province Chibitoke, Alexis Ndairagije. En page santé, près de 4000 candidats ont passé ce dimanche un test écrit de recrutement au sein du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Le ministre Tade Ndikumana a fait savoir que ce test a été organisé dans le souci de transparence et ajoute que ce ministère va retenir 201 candidats. On l'écoute. Nous sommes venus ici pour faire ce lancement et c'est un examen écrit comme on l'avait annoncé. Les candidats présélectionnés élèvent au nombre de 3971 candidats présélectionnés. Et dans ces candidats, nous allons retenir 201 personnels de santé et relatifs au budget disponible. Et aussi, c'est ce qui a été validé par l'UNEMA dans le budget national. Alors, nous avons organisé ce test dans le souci de transparence. Et parce que, comme vous l'avez constaté, cela a été fait aussi au niveau du ministère de l'Éducation. Et c'est et la recommandation du gouvernement qui tasse que tous les candidats soient mis au même pied d'égalité et que le meilleur gagne. dans toute transparence. Donc nous avons ici au total à Bujumbura et les centres de passation de l'examen, c'est ici au CFPP, au campus Mutanga et à l'IPEA, Loero. Mais aussi c'est au niveau de l'ENA, de l'INSP et au niveau de l'ETS Kamenge. Vous allez voir là où les lauréats sont en train de passer l'examen. Le ministre Tade Ndikumana, dont les propos ont été recueillis par notre consoeur Yvette Nijimbele. Après une courte transition, nous poursuivons notre édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 18h06 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Une femme du nom de Nahimana Violette a mis au monde 4 enfants prématurés, tous garçons, vers 3h du matin de ce dimanche à l'hôpital Donita, commune Gishoui, en province Gitega. Comme cet hôpital n'est pas doté du service de néonatologie, ces enfants ont été transférés à l'hôpital régional de Gitega. Les infirmières qui les suivent signalent qu'un parmi ces 4 enfants va mal car il est sous oxygène. Leur mère, âgée de 34 ans, demande assistance à toute âme charitable de tant plus qu'un seul sein fonctionne. Ces quatre enfants s'ajoutent à 3 autres. Je vous l'avais annoncé en titre, le pont reliant la colline Higiro à la colline Mugutu, située sur la route allant de la ville de Gitega à Higiro, est menacé d'écroulement en commune province Gitega, entre autres conséquences soulevées par la population. C'est le sanctuaire des tambours de Higiro qui n'est plus visité et la réduction des quantités de marchandises qui affluaient vers la ville de Gitega passant par Higiro. La population réclame la reconstruction de ce pont. Toutefois, l'administrateur de la commune Gitega dit que ce travail n'est pas urgent car, dit-il, il nécessite beaucoup de moyens financiers. Les précisions de Gérard Nibigir. Un des habitants de la colline Higiro dit qu'une des conséquences de la détérioration de ce pont et cette route est le fait que le sanctuaire des tambours sis à cette colline n'est pas aussi visité que le sanctuaire des tambours de Gishora en commune Guieta et celui de Makebuku en commune Makebuku. Une autre conséquence qu'il évoque est le fait que les gros véhicules de type ben et camions ne se rendent plus à leur colline pour transporter différentes marchandises vers la ville de Gitega et ailleurs. Même son de cloche pour son voisin qui explique que le trafic de marchandises a diminué à cette colline du moment que les marchandises en provenance de la zone Mubuga et d'autres collines voisines qui traversaient la colline Higiro pour cause de raccourcis avant la détérioration de ce pont et cette route maintenant elle contourne Higiro et passe tout près de la rivière Luvuvu avant d'atteindre la ville de Gitega. Selon ce citoyen, cela constitue une perte d'une manière ou d'une autre, surtout en matière de longue distance à parcourir. Les habitants de la commune Higiro demandent alors à l'État et à la commune Gitega de leur faire reconstruire ce pont et si possible même la route qui y mène. Contacté par téléphone, l'administrateur de la commune Gitega, Valente Nahimana, dit que la reconstruction de ce pont ne peut pas faire objet d'urgence parce qu'elle nécessite beaucoup de moyens financiers. Selon les voisins, la détérioration de ce pont date d'environ 5 mois suite aux pluies diluviennes. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio. Parlons agriculture à présent. En province Bubanza, les habitants demandent qu'un kilo de semences sélectionnées de maïs disponible à la direction provinciale de l'agriculture, élevage et environnement, qui est de 3600 francs, soit revu à la baisse. Ils doutent également du climat qui peut caractériser cette saison. À la DPAE Bubanza, l'on tranquillise ses cultivateurs et précise qu'il va pleuvoir jusqu'au mois de mai selon les prévisions météorologiques. Wilinde Ikeza, directeur de la DPAE Bubanza, ajoute que l'on fixe le prix des semences après étude et qu'elles ne sont donc pas chères. Les précisions de Spes Caritas Cabanian. Les cultivateurs disent qu'ils doutent de la saison culturelle B et pensent qu'il ne va pas y avoir des pluies suffisantes. Ils disent également que les semences sélectionnées de maïs hybride qui coûtent 3600 francs le kilo sont chères et demandent que ce prix soit revu à la baisse. À la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza, on tranquillise et on précise que selon les prévisions météorologiques, les pluies vont tomber jusqu'au mois de mai. Les cultivateurs sont donc à appelés à cultiver du maïs, du soja et du haricot grimpant qui résistent contre beaucoup de pluie. Wilinda Ikeza, directeur à la DPAE Bubanza, dit que le prix des semences sélectionnées n'est pas du tout élevé et il est fixé après des études. Il s'agit du maïs très productif et qui résiste contre les maladies. Il appelle aussi les cultivateurs à acheter des sacs appropriés à la conservation des récoltes sous forme de graines. Un sac qui coûte 5 800 francs à la DPAE Bubanza, comme il le dit. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Accroître l'énergie du corps humain est un avantage qu'apporte le fait de manger, comme l'explique le professeur spécialiste en nutrition. Aloïse Niongabo signale qu'une mauvaise alimentation cause beaucoup de maladies, dont le cancer, le kwashiorkor. Ce spécialiste appelle la population à consommer le repas contenant plusieurs variétés et à faire l'hygiène alimentaire. La chronique nutrition avec Vestine Boutoui. Lors de la chronique précédente, le spécialiste en nutrition, professeur Aloïse Niongabo, nous a parlé de comment bien manger. Aujourd'hui, ce spécialiste explique que manger accroît l'énergie du corps humain tout en signalant que jeûner affaiblit ce dernier. Quand il y a le jeûne, l'organisme a des perturbations physiologiques. Mais comme ça ne dure pas longtemps et comme c'est une croyance, vous savez que la croyance peut équilibrer ou déséquilibrer. Mais vous savez que quand la personne n'est pas en bonne et due forme, pas obligée de faire le jeûne. Selon professeur Aloïse, spécialiste en nutrition, une mauvaise alimentation entraîne beaucoup de maladies dont le kwashiorkor, le surpoids, le cancer et le diabète. Chez nous, comme dans le monde, il y a beaucoup de maladies qui sont dues à la malnutrition. C'est le diabète, les maladies métaboliques, le cancer, le surpoids, qui va engendrer les hypertensions, les maladies cardiovasculaires, tout ça. Mais ces maladies métaboliques, que ce soit le diabète, que ce soit le cancer, peuvent être traitées par la bonne nutrition, c'est-à-dire les différentes molécules qui se trouvent dans ces aliments et qui piègent ou qui inhibent ou qui inactivent les cellules cancéreuses. Et d'autres qui vont éliminer ce qu'on appelle les plaques d'athérome, les plaques qui se trouvent au niveau des parois, au niveau des maladies cardiovasculaires, pour faire retourner le mauvais cholestérol vers le foie pour être métabolisé. Professeur Aloïse Niongabo conseille la population à consommer dans un même repas des aliments variés pour pouvoir se procurer des éléments nutritifs dont le corps humain a besoin. Il faut manger varié, les différents légumes, qui dit les légumes, même les haricots c'est un légume. Il faut aussi consommer des fruits parce que quand je parle des fruits, je ne vois que des vitamines. Quand je parle des légumes, je vois des sels minéraux. Et ça, ce sont des choses que l'organisme ne peut pas synthétiser, c'est ce qu'on appelle essentiel. Alors ces choses essentielles doivent provenir de notre alimentation. Donc, une bonne alimentation doit être très variée. Il conseille également la population à faire l'hygiène alimentaire dans le but de se protéger contre les maladies démentielles. Vestine Boutoui, merci pour cette chronique nutrition à 18h14 dans les studios de la radio Sanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais je vous en rappelle les grands titres. Désignation ce dimanche en congrès extraordinaire du député Agathon Rwasa, président du parti CNL, pour la course au fauteuil présidentiel. Passation ce dimanche du test de recrutement au ministère de la Santé publique. C'est dans le souci de la transparence. Sur près de 4000 candidats, seuls 201 seront retenus. Des précisions du ministre de la Santé publique. Et le sanctuaire des tambours situé à la colline Higiro en commune Gitega n'est plus visité suite à l'écroulement du pont reliant cette colline à la ville de Gitega. L'administration communale demande aux habitants de prendre le mal en patience car cela nécessite beaucoup de moyens financiers. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition de ce dimanche 16 février. Merci également à Erika Dogo qui a assuré la mise en onde. Une excellente soirée à tous, au revoir. Mireille Kanyangi.